Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guimauzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 22 novembre. Nous souhaitons une bonne fête au Cécile, ça vient du latin signifiant aveugle et se rapportant également au patronyme Caecili, nom d'une famille aristocrate romaine ayant vécu au 1er siècle. La présence importante du nombre 1 dans ce prénom donne à Cécile un caractère affirmé, indépendant, énergique et volontaire. Elle est autoritaire et attend gérer et entend gérer sa vie et parfois aussi celle des autres. Sensible à son image de marque, elle est disciplinée, exige beaucoup d'elle-même et aime donner l'exemple. Elle se montre franche, directe et loyale, mais la modestie n'est pas vraiment son fort et elle peut tendre à adopter une attitude dédaigneuse, arrogante, prétentieuse, notamment lorsqu'elle rencontre médiocrité et bassesse autour d'elle. Malgré d'importantes qualités qui lui donnent une personnalité affirmée et autonome, Cécile, tout en étant charmante et généreuse, est un peu trop égocentrique. Elle ne supporte pas l'échec et se montre assez susceptible. Déjà enfant, elle sait qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Fière, orgueilleuse, elle veut diriger son entourage, à commencer par ses parents. Et si cela ne fonctionne pas comme elle l'entend, elle peut entrer dans de violentes colères, des crises d'autorité. Dicton du jour à la Sainte Cécile, si on plante des pois, ils viennent comme des mâts. Pour la Sainte Cécile, chaque fève en fait mille. Célébration internationale, aujourd'hui au Costa Rica, c'est la journée du professeur. Au Venezuela, c'est la journée du psychologue et au Liban, c'est la fête nationale commémorant l'indépendance vis-à-vis de la France. Ça s'est passé un 22 novembre. En 1944, indépendance du Liban. En 1963, les Beatles sortaient l'album With the Beatles. En 1968, ils sortaient l'album The Beatles Album, plus connu sous le nom de The White Album, hein, ce qui donne l'album blanc en français. En 1975, Juan Carlos Ier était proclamé roi d'Espagne. Et en 2005, Angela Merkel devenait chancelière d'Allemagne. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec In Excess et le titre Need You Tonight. And give me a moment. Your moves are so raw. INXS sur RGM, un peu plus de 8h36, on est toujours dans la matinale et on parle anniversaire. Il s'en est un 22 novembre 1940, naissance de Terry Gilliam, réalisateur américain à qui l'on doit Brasil, l'armée des 12 singes, les frères Grimm et plus récemment, en 2018, l'homme qui tua Don Quichotte. 1943, naissance de Billie Jane King qui fut joueuse de tennis américaine de 1968 à 1989, qui a été numéro 1 mondial en simple. Elle a gagné 6 fois Wimbledon, 4 fois l'US Open, 1 fois l'Open d'Australie et Roland-Garros. En double, elle a gagné 10 fois Wimbledon, 5 fois l'US Open, 1 fois Roland-Garros et 2 fois finaliste à l'Open d'Australie. Et elle a même gagné des tournois en double mixte puisqu'elle a remporté 4 fois Wimbledon et l'US Open, 2 fois Roland-Garros et 1 fois l'Open d'Australie. Et à son actif, elle a 7 Fed Cup obtenus en 1963, 1966, 1967 et entre 1976 et 1979. 1958, naissance de Jamie Lee Curtis, actrice américaine connue pour le rôle de Laurie Strode dans Halloween, la nuit des masques, Halloween 2 et Halloween 3, Halloween 20 ans après, il revient, Halloween Résurrection, ainsi que plus récemment Halloween tout simplement, où elle est également productrice exécutive. Vue également dans Un poisson nommé Vanda, dans le rôle de Vanda Gervitz, ou encore Freaky Friday dans La peau de ma mère, dans le rôle de Tess Coleman. 1966, naissance de Anne Brochet, actrice française vue dans Cyrano de Bergerac, Tous les matins du monde, récompensée par le César du meilleur second rôle féminin, Un château en Espagne ou encore La rafle. 1967, naissance de Boris Becker, ancien joueur de tennis allemand ayant fait carrière de 1984 à 1999, qui a été numéro 1 mondial, ensemble, qui a gagné 3 fois Wimbledon, 2 fois l'Open d'Australie, 1 fois l'US Open, demi-finaliste à Roland-Garros. En double, il a été 6e mondial, quart de finaliste à l'Open d'Australie. C'est sa meilleure performance en double. Il compte également une médaille d'or aux Jeux Olympiques en double, 2 Coupe Davis en 88-89, 2 World Team Cup 89 et 98 et une Hopman Cup obtenue en 1995. C'est également l'année de naissance de Mark Ruffalo, acteur américain vu dans Collateral, Shutter Island. Et on le connaît surtout pour son rôle de Hulk, alias Dr. Bruce Banner, dans Avengers, Avengers l'ère d'Ultron, Thor Ragnarok, Avengers Infinity War. Il reprendra ce rôle dans Avengers 4, sortie prévue l'année prochaine. Et vu également dans les films Insaisissables 1 et 2, dans le rôle de Dylan Rhodes. 1968, naissance de Sitz Babette Knudsen, actrice danoise, vue dans L'Hermine, dans le rôle de Ditte Lorenzen Cotret, récompensée par le César de la meilleure actrice dans un second rôle, et plus récemment dans Inferno, dans le rôle du docteur Elisabeth Sinske. 1978, naissance de Mélanie Douté, actrice française, vue dans Narco, On va s'aimer, Le bal des actrices, RTT dans le rôle d'Émilie, Le grand bain actuellement au cinéma dans le rôle de Clem, les séries Cher Marianne dans le rôle de Camille Rivet et Clara Scheller dans le rôle de Clara Scheller. 1984, naissance de Scarlett Johansson, actrice américaine vue dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, dans le rôle de Grace MacLean, Lost in Translation dans le rôle de Charlotte, Match Point, Le Dahlia Noir, Vicky Cristina Barcelona dans le rôle de Christina, Ce que pensent les hommes, Lucie de Luc Besson dans le rôle de Lucie, Ghost in the Shell et surtout son rôle de Natasha Romanoff alias la veuve noire dans Iron Man 2, Avengers Captain America le soldat de l'hiver, Avengers l'ère d'Ultron, Captain America Civil War, Avengers Infinity War, et elle reprendra ce rôle elle aussi dans Avengers 4 sortie l'année prochaine. 1985, naissance de Thomas Roussel, hockeyeur sur glace français qui de 2004 à 2013 a joué pour les Gothiques d'Amiens, de 2013 à 2016 pour les Ducs de Dijon et depuis 2016 il joue pour les Lions de Lyon. 1986, naissance d'Andrew James West, acteur américain vu dans les séries Bones, Castle, The Walking Dead, Under the Dome et actuellement dans Once Upon a Time dans le rôle d'Harry Mills adulte. 1988, naissance de Jamie Campbell Bower, acteur et mannequin britannique, vu dans Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, Anonymous, dans le rôle d'Edouard Devers, le comte d'Oxford jeune, vu dans Twilight chapitre 2 et Twilight chapitre 4 partie 1 et partie 2, dans le rôle de Caius Volturi, et vu également dans Harry Potter et les Reliques de la Mort première partie, dans le rôle de Gellert Grindelwald jeune, rôle qu'il reprend d'ailleurs dans Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, actuellement au cinéma. 1991, naissance de Sébastien Bézi, joueur de rugby à 15 français qui évolue depuis 2010 au Stade Toulousain. 1993, naissance d'Adèle Exarchopoulos, actrice française vue dans La Rafle dans le rôle d'Anna Traube. La vie d'Adèle dans le rôle d'Adèle, récompensée par la Palme d'Or au Festival de Cannes 2013 et par le César du meilleur espoir féminin, vue également dans Les Anarchistes, Éperdument ou encore Orpheline. En 1718, décédé Barbe Noire, célèbre pirate britannique. En 1962, décédé René Coty, homme d'État français qui fut président de la République française de 1954 à 1959. En 1963, décédé John Fitzgerald Kennedy qui fut le 35e président des États-Unis, le plus jeune président américain. Et malheureusement, il n'a pas été à la fin de son mandat. En 1997, décédé Michael Hutchence, chanteur australien du groupe In Excess. En 2007, décédé Maurice Béjart, danseur et chorégraphe français, membre de l'Académie des Beaux-Arts. En 2011, décédé Danielle Mitterrand, femme politique française, veuve du président François Mitterrand. Et en 2013, décédé Georges Lautner, réalisateur français à qui l'on doit Flic ou Voyou, Le Guignolo, Le Professionnel ou encore La Cage aux Folles 3, Elle se marie. Allez, on va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale avec un ancien titre d'Hum Pokora. C'est Mieux que nous, il est en featuring avec Soprano et Hum Pokora qui a annoncé sur les réseaux sociaux mardi son grand retour avec un teaser pour sa prochaine tournée intitulée Pyramide Tour. Et voilà, la billetterie ouvrira le 29 novembre prochain et il a dit que pour l'album, il faudrait attendre encore un petit peu. Mais voilà, un grand retour qui nous fait bien plaisir. En attendant, c'est Hum Pokora, Soprano et Mieux que nous. Ses rêves d'enfant à l'eau, personne ne rêve d'être seul. Elle a l'amour en prison, elle n'a pas le temps pour le printemps. Elle garde son bonheur en détention, mes sourires font les siens en attendant. Papa, si tu savais comme elle manque de souffle, alors le monde, si vous saviez, si vous saviez. Petit à petit, maman fait son nid, papa est parti se refaire une vie, pas trop loin d'ici. Petit à petit, maman te l'a dit, tu feras ta vie, tu feras mieux que lui. Chante en solo, papa danse le tango, le dos cassé. Et la foule vient de monter le niveau. Souffrir, oui, mais un peu de dignité. Il a le cœur en prison, il n'a pas le temps pour le printemps. Comme les promesses sont trahison, autant acheter du rêve aux enfants. Maman, si tu savais comme il manque de souffle, allô le monde, si vous pouviez son nid. Maman est partie se refaire une vie, pas trop loin d'ici. Petit à petit, papa te l'a dit, tu feras ta vie, tu feras mieux qu'elle. Yeah. Oh, oh, tu feras mieux que nous. Maman chante en solo, papa chante en solo. Et moi je leur fais les cœurs un week-end sur deux. J'ai changé de rythme de vie, de tempo. Je cherche mes pas entre sa valse et son tango. On est passé du printemps aux intempéries. J'ai essayé de comprendre, on m'a dit c'est la vie. Du mal à l'accepter, donc je passe toutes mes nuits à jouer au puzzle avec les photos de famille. Yeah, j'ai le sourire en détention. Il n'y a que leur réconciliation pour payer la caution. Leur problème d'adulte, je te jure, est une sale infection. Une épidémie que qu'on aime à cour de récréation. Non, ne me demande pas à choisir. Je les aime d'un amour indivisible. Que je fasse la guerre ou pas, je sais que ces deux soldats ont mon bonheur pour cible. Mais papa, si tu savais comme je manque de souffle. Alors le monde, si vous saviez, si vous saviez. Oh. Maman, si tu savais de son manque je souffre. Les grands du monde, si vous pouviez m'aider. Petit m'aider. À petit, maman fait son lit. Papa est parti se refaire une vie. Pas trop loin d'ici, petit à petit. Maman te l'a dit. Tu feras ta vie, tu feras mieux que lui. Oh oh, petit à petit. Papa fait son lit. Maman est parti se refaire une vie. Pas trop loin d'ici, petit à petit. Papa te l'a dit. Tu feras ta vie, tu feras mieux qu'elle. Mieux que nous, M. Pokora et Soprano sur le 107 FM. Il est un peu plus de 8h47 et il est temps pour nous eh bien, de faire un point météo. La météo. Alors, il y a du brouillard par endroit, donc soyez vigilants. Quelques nuages, mais sinon, on passera la journée sous le soleil, hein, plus ou moins présent. Des températures comprises entre 0 et 1 degré ce matin, entre 6 et 7 degrés pour cet après-midi. Vendredi, ce sera plutôt une journée nuageuse. Des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 6 et 7 degrés l'après-midi. Pour samedi, ce sera plutôt ensoleillé avec quelques nuages tout de même. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 7 et 8 degrés prévues pour samedi après-midi. Voilà pour la météo, on file tout de suite vers l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Basket, qualification pour l'Euro 2019 féminin. C'était le dernier match hier soir pour l'équipe de France qui a largement battu la Slovénie. 88 à 84. Cette victoire française est synonyme de première place du groupe et donc de qualification pour l'Euro. Un grand bravo à elle. On fait un petit point sur les résultats de NBA. L'équipe de Charlotte, de Nicolas Batum et Tony Parker s'est imposée 127 à 109 face à l'Indiana. Indiana, 11 points pour Batum, 3 pour Tony Parker. L'équipe de Boston de Yabusele qui n'a pas joué s'est inclinée 109 à 117 face à l'équipe de New York de Tilikina à 6 points. L'Utah Jazz de Rudy Gobert à 13 points et 15 rebonds s'est inclinée 110 à 119 face à Sacramento. Et enfin l'équipe de Phoenix où le français Okobo n'a d'ailleurs pas joué s'est inclinée face aux Chicago Bulls 127 à 116. Un mot de biathlon, la Coupe du Monde c'est bientôt le grand retour, hein, premier week-end de décembre. Mais là, on va parler de la dernière place qui est disponible, hein, en équipe de France pour cette fameuse Coupe du Monde. Elle sera disputée entre Fabien Claude et Simon Fourcade sur deux sprints aujourd'hui et demain. Voilà, donc deux Français pour une seule place. Belle bataille qui s'annonce en Suisse. Et on termine avec du football, des nouvelles de Kylian Mbappé et de Neymar. Le Français souffre d'une contusion à l'épaule droite et le Brésilien souffre d'une élongation des adducteurs. Voilà pour l'actualité sportive. On marque tout de suite notre dernière pause musicale avec le titre Happy Now, Z et Elle est Duée. You're a world away,